Moi, je vous le dis, il avance plus, il picole, tu vois comme il est en plus. Il laisse pas, je sais pas quoi, il promène avec sa femme, il se rase plus, il a les cheveux sales. Il boit beaucoup, c'est ça aussi. Moi, je crois que c'est ça qui l'handicap. C'est cette boisson, cette bière. J'ai fait des conneries, j'ai peur de Dieu. L'unicelle, je ne veux plus croire en eux. Putain, bah ouais, j'ai les nerfs. Ton frère qui parle dans mon dos. Mais moi, je sais que c'est des faux. C'est car laissez-moi la nouvelle ère. Casse-toi de là, j'ai besoin de nouvelle ère. On peut rien faire à côté, tu sais. Hôtel 5 étoiles, on me sert. Un gros cru, si j'avais su, j'aurais pas pu. Beaucoup ont voulu m'effacer. J'ai senti ma gomme, je les ai gommés. Je me rappelle quand tu étais souffrant. T'es aussi rare qu'une épice de safran. Je mourirai comme le philosophe Socrate. Empoisonné par des faux frères. Je suis classe moyenne, celle qu'on parle pas. On a tapé à s'en péter les dents. La chute du prolétariat, tous frères qui m'ont abandonné. Et c'est eux qui venaient me parler de fraternité. J'invoque chien berbère, j'ai tué les démons. Si t'es gentil, je te donnerai un bonbon. Tu me parles, mais tu n'as rien dans le caleçon. Wild ISO, tu n'as pas de fond. Donald Trump, je lance missile aérien. C'est une erreur comme les aériens, une erreur comme Le Pen. Ces gens-là me font de la peine. Ouais, tu me reconnais, je suis le M. Ouais, putain, j'ai la haine, je pense aux populations africaines. Beaucoup de mes frères ont la haine. Tu te souviens d'Ibrahim quand il s'est fait tuer? Sauf que non, cette histoire s'est fait oublier. Comment arrondir la fin du mois? Distribuer des verbales en bas de chez moi. Au-dessus de ta tête, j'ai l'épée de Damoclès. J'ai voulu détruire leur carrière, on m'a dit laisse. Pas majeur déjà, au sommet. D'hab, on est là, on est frais. Liberté, égalité, atrocité. Tu pensais encore pouvoir régner. Déjanté, je viendrai te déglinguer. Je suis intouchable, mon flow, débit trop. Tous des rêves, t'en fais partie, c'est un blind pro. Je suis Carly, le nouveau né qui vient vous pétiner. J'rappe pour l'amour du rap. Ta carrière a fini, résilié comme mon forfait SFR. Pardonne-moi, bébé, je sais que t'as souffert. Je porte des vêtements de marque, il faut que je me démarre. Très sincère pour ce putainage de rap. Je ramenais l'argent, c'est ce que ma mère veut. Je ferai tout pour elle. Je sais Carly aime. Je me trimballe tranquille dans ma vie. Posé avec mon frère, moi c'est entier. Suffit d'un verre pour oublier. Deux verres pour me remémorer. Si j'ai pas mon bac, c'est game over. Comme Aurel et Grain, je suis pas à l'heure. J'avais dit, tire sur mon pilon pour être validé. Maintenant, tire sur marionnette pour être validé. Mais j'espère avoir un bon travail. De me barrer sur une île au cas où il y aura le rap. On verra dans 2-3 ans quand j'aurai besoin de thunes. T'as pas vu, je suis le seul rappeur qui rappe sans autotune.